Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Hurricane, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Sharif Gattaz, réalisée par Benjamin Habitant. La fiction d'aujourd'hui nous raconte un fragment de la vie de Bob Dylan, compositeur, rocker, rebelle, une légende. Il est l'un des musiciens les plus influents, les plus précurseurs et les plus inspirés de notre temps. Bob Dylan est né le 24 mai 1941 à Duluth dans le Minnesota sous le nom de Robert Zimmerman. Il grandit dans une famille juive qui a fui les pogroms d'Europe de l'Est. À 14 ans, il achète sa première guitare et se passionne pour Elvis Presley. En 1963, il participe à la marche sur Washington avec Martin Luther King et fait de la chanson Blowing in the Wind un hymne de la lutte pour les droits civiques. Une décennie plus tard, Dylan sort le titre Hurricane dans lequel il prend la défense du boxeur noir Reuben Carter, accusé du meurtre de 3 personnes et qui sera finalement libéré en 1986 après 19 ans de prison. C'est l'histoire de cette chanson que la fiction nous raconte. Country, rock et protest song, en la matière, Dylan a toujours été la référence. Ses chansons, ses textes et sa musique, son style, sa voix, avec son folk rock lettré, ses lunettes noires et sa voix rugueuse, il est devenu une légende vivante de la musique populaire américaine du XXe siècle. Du troubadour folk des cabarets de Greenwich Village à New York à l'aube des années 60, jusqu'à la superstar décorée en 2012 par l'un de ses fans, Barack Obama, quelle vie Barack Obama qui prononçait ces mots. Dès ses 23 ans, la voix de Bob, avec son poids, sa puissance graveleuse unique, avait redéfini non seulement le son de la musique, mais aussi le message qu'elle portait et ce qu'elle faisait ressentir aux gens. Bel hommage. Si Dylan a traversé tous les styles de musique, il n'est pas avare de références littéraires, de Steinbeck à Salinger, en passant par Kerouac et Miller. Henry Miller, dont Dylan aime répéter cette phrase « Le rôle de l'artiste est d'inoculer la désillusion ». Et Dylan lui-même, avec une constance admirable depuis toujours, s'est fait le messager de la lucidité et de la désillusion, jusqu'à en devenir parfois un peu cynique. En 2016, à 75 ans, Bob Dylan obtenait le prix Nobel de littérature pour ses chansons et textes poétiques qui appartiennent aujourd'hui au patrimoine de la chanson américaine. C'est le premier musicien à recevoir ce prix. Après la fiction, nous recevrons Nicolas Reynaud, auteur de 2 livres passionnants sur Bob Dylan, Figure et Note d'Orquette, aux éditions Le Mot et le Reste. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Hurricane, de Sharif Gattaz. Merde, pas de briquet. Monsieur Zimmerman. Vous êtes qui, vous? Je peux savoir ce que vous foutez à ma loge? Je me présente, Richard Salomon. Vous avez du feu, Richard? Oui. Donnez-moi ça. Ok. Un beau costard. Je vous félicite. Italien? Pardon? Votre 3 pièces, là, il est de marque italienne, non? Oui, c'est exact. Ouais, ça se voit tout de suite. C'est fortiche, c'est rital, quand même. C'est ma femme, Margaret, qui m'achète mes costumes, mes chemises aussi, et puis mes cravates. Bon, vous êtes perdu ou... Pardon, je suis avocat. Vous cherchez du boulot? Je suis l'avocat de Reuben Carter. De? Reuben Hurricane Carter, le boxeur. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais. Hurricane Carter. Eh ben, Richard, restez pas debout comme ça, prenez une chaise. Hein. Et appelez-moi Bob, ok? Oui, ok. Pardon de faire irruption dans votre loge comme ça après un concert. C'est pas très correct de ma part. Vous devez être épuisé. En effet, mais sans doute beaucoup moins que l'homme que vous défendez. J'ai quelque chose pour vous, Bob. Qu'est-ce que c'est? C'est l'autobiographie de Hurricane. Il m'a chargé de vous la remettre en main propre. Il a dit que c'était important que vous l'ayez. Reuben Hurricane Carter. Le 16e round? Oui. Vous attendez quelque chose de précis, Richard? Allez-y, hein, déballez-vous de sac. Parlez-moi franchement. Je suis pas très au fait de l'histoire de Carter, mais j'ai entendu des choses, quoi, comme tout le monde. Je sais pas trop quoi vous dire. Mais si vous voulez, mon sentiment premier, une intuition, si vous préférez, sur cette sombre affaire. Oui, dites-moi. Je connais pas les tenants et les aboutissants, attention, hein, mais pour moi, ça sent le jugement arbitraire à plein nez. Patterson, c'est pas un bled où il fait bon être noir, il me semble. Vous connaissez des bleds où il fait bon être noir dans ce pays, Bob? Non, vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que ce genre d'argument a déjà été éprouvé devant la cour et... Ouais, je vois. Lisez ce livre, Bob. Je vous le demande comme un service, comme une prière. Hurricane est un homme innocent. Ça fait 8 ans qu'il croupit dans une cellule. Je sais pas où il puise les ressources pour continuer à espérer. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort que lui. Ce type est admirable. Je sais pertinemment qu'il n'est pas un saint, et c'est pas ce que nous tentons de défendre d'ailleurs. Mais je sais qu'il n'a pas tué. Je sais qu'il n'est pas l'auteur du triple crime qu'on lui a attribué. Pourquoi Carter vous envoie? Parce qu'il ne peut pas venir en personne. Réponse d'avocat. Le fait est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est une cause perdue. Vous comprenez? Les argumentaires, les plaidoyers, si brillants soient-ils, les preuves, tout ça ne suffit plus. Il est coupable par avance. C'est le soutien populaire dont Carter a besoin. Je vois. Écoutez, Richard, je vais lire ce livre. Je vais le lire très vite et... Ne promettez rien, je vous en prie. Je vous laisse ma carte. Appelez-moi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. D'accord? Entendu. Ah, une chose encore. Rubin sait qui vous êtes. Il m'a chargé de vous dire ça, simplement. Il sait qui est Bob Dylan. Ok. Merci pour votre temps et votre écoute. Salut Richard. Il était environ 3 heures du matin, ce 17 juin 1966, lorsque la ville de Paterson, New Jersey, fut subitement arrachée à sa torpeur nocturne par la clameur émanant d'une cohorte de blancs en colère attroupée devant un vieux grill délabré. Cette foule en furie bousculait le cordon des policiers qui avaient encerclé le bouge et tentait d'apercevoir les 4 corps criblés de balles et ensanglantés étendus au sol à l'intérieur. « Sors de la voiture !» éructa un flic à tête de taureau en ouvrant la portière. À ce stade, la situation sentait déjà mauvais. Mais sortir de cette voiture serait de loin, je le savais, la pire chose à faire. « Pourquoi diable vous nous avez amenés ici » ai-je demandé. Alors j'ai vu le truc venir. Soudain, tout est devenu limpide. J'ai fermé les yeux et, de rage, j'ai serré les poings. À ce moment-là, j'aurais vraiment pu commettre... À ce moment-là, oui... J'aurais vraiment pu commettre un meurtre. Sale enfoiré ! Sale enfoiré ! Sale enfoiré ! Sale enfoiré ! C'est moi que tu traites de sale enfoiré, Bob ? Des formations professionnelles. Dans ce métier, on finit paranoïaque d'une façon ou d'une autre. Oh, vous, les artistes, vous êtes toujours, quelles que soient les circonstances, les pauvres rêveurs bafoués, les belles âmes salies par nous autres, producteurs, voraces... Pragmatique, assoiffé d'argent. Oh, calme-toi, Don. C'est pas vrai ce que je dis, là? Cite-moi un cas seulement où la postérité n'a pas tranché radicalement en faveur de l'artiste. C'est parfaitement injuste. Non, c'est normal, au contraire. Explique-toi. Mais tu fais rêver qui, toi? Personne. Pff, facile. Tu fais réfléchir qui, hein? Chialer qui? Vibrer qui? Non, je veux pas rentrer là-dedans, c'est un autre sujet. Pas du tout, c'est le cœur du sujet. Je suis pas en train de te dire que le public a raison de condamner les types dans ton genre, les voraces, comme tu dis, mais simplement que c'est normal, dans la logique des choses. Est-ce que le public pourrait supposer, ne serait-ce que l'espace d'un instant, que mon job, qui consiste principalement à gagner ma vie en enrichissant le compte en banque des artistes que je produis, n'est pas un job facile? Parce que lorsqu'il s'agit d'éponger vos dettes... J'étais en train de lire, merde. Des livres de Carter? Ouais. L'histoire. Je veux aller le voir. Tu veux quoi? Carter. Je veux aller le voir. En prison. Le rencontrer. Parler avec cet homme. C'est une plaisanterie. J'ai l'air de plaisanter. Bob, s'il te plaît, pas ça, pas là, pas maintenant, ok? Je dois y aller, Don. C'est important. Écoute, Bob, c'est bien de te montrer sensible à tout ça, c'est... Je veux dire, je comprends que ça puisse te toucher, mais... Mais quoi? On a une tournée à faire, là. Des concerts, des engagements, tous les soirs. Bon, dis-moi ce que tu penses, au fond, au lieu de tourner autour du pot. Ce que je pense, au fond? Ouais. Qu'on ferait mieux de se tenir à l'écart de ce merdier. Voilà. Voilà ce que je pense, au fond. Et j'ai raison. T'as tort. J'ai raison, Bob. Cet homme n'a pas tué ces gens. Mais t'en sais rien. Et c'est pas mon problème, alors où je te parle. J'en sais suffisamment pour être sûr de vouloir le rencontrer. Et je m'en fous que ce soit ton problème. C'est le mien à présent. Bon, tiens, écoute plutôt ça. Cette chanson, Like a Rolling Stone, vaut à elle seule qu'on écoute 10 000 fois les albums de Dylan. Car les paroles de cette chanson vont droit au fond du cœur de celui qui l'écoute, au fond de son corps. Alors, il est normal que le retour de Bob Dylan rassemble les foules immenses à ses concerts, des plus anciens folkies aux plus jeunes des heavy metal kids. La réunification, Bob, voilà ce qu'on a réussi. Y a plus de monde à nos concerts qu'à ceux des Stones ou de Led Zeppelin, merde! Alors tu vas pas saloper le travail parce que t'es pris d'une lubie. Carter est peut-être innocent, mais pour le moment, il est en tôle. Et à part Mohamed Ali et quelques autres, tout le monde s'en tape de l'innocenté. Ça veut dire que t'es d'accord ou pas d'accord avec moi? Je veux que t'appelles Richard Salomon, c'est l'avocat de Carter, pour arranger une rencontre le plus vite possible. Si tu le fais pas, c'est moi qui le fais. Eh merde, Bob, tu fais chier. C'est comme ça. Chiant, donc. Voilà. Ton ami, comment s'appelle-t-il déjà? De Vito, Don De Vito, c'est mon producteur. Eh ben, il n'a pas tort de penser ce qu'il pense. Des conneries, j'en ai fait. J'en ai fait un paquet même. Mes parents ont eu 7 enfants. Je suis le seul à avoir eu des problèmes avec la justice. Je suis un cas social, à ce qu'on dit. Un braquage à 14 ans, c'est pas courant. Dis-moi une chose, Rubin. Comment ça se fait que tu portes pas d'uniforme de détenu? Je ne suis pas coupable. Je ne porte pas l'uniforme des coupables. Accepter de le porter, c'est accepter mon sort. Et c'est comme accepter de mourir. Il n'en est pas question. Il n'en a jamais été question. Et on te laisse faire. Tu parles. J'ai été au Niouf dès mon arrivée. Mais ils n'ont pas réussi à me tordre. Tu comprends? Ils peuvent me faire ce qu'ils voudront. Ils ne me tordront pas. Ça te dérange pas si je fume une cigarette? Tu devrais pas fumer. C'est de la merde. De l'esclavage. Tu ne ressembles pas à un esclave. Tu ressembles à un homme libre. Agis comme tel. C'est le conseil que je peux te donner. Disons que je suis un homme libre qui fume, ok? Ok, ok. J'arrête de faire le vieux sage. J'aime autant. Je réfléchis beaucoup ici. Je médite. Mes journées sont méticuleusement agencées selon des règles précises. Un enchaînement de tâches à accomplir. À chaque jour, la même rigueur, la même concentration, la même... Sagesse? Un peu, oui. Malgré toi? Un peu aussi. Je peux te demander une faveur, Rubin? Je t'écoute. Je voudrais que tu me dises ce qui s'est passé. T'as lu le livre, non? Dans les yeux. Je voudrais que tu me le dises en me regardant droit dans les yeux. Tu fais comme tous les blancs, c'est ça? Non, non. Je fais comme je peux pour comprendre. Qu'est-ce que tu ne comprends pas jusque-là? Je suis un noir. Un putain de négro avec une grande gueule et de l'acier dans les poings. Putain, qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai été condamné par un jury composé uniquement de blancs. Un noir qui réussit et qui prend fait et cause pour les noirs dans ce pays, ça ne passe pas. Tu vois, ça ne passe pas. Les blancs, ils n'aiment pas ça. Ça les met en rogne. Qu'est-ce que tu veux savoir, merde? Les faits? C'est ça que tu veux? Tu viens jusqu'ici pour me voir et me demander de te convaincre? T'aurais pas pu te contenter de lire les journaux ou de parler à Richard? Ça t'aurait économisé le déplacement et moi une déception supplémentaire. T'es Bob Dylan et tu veux une explication? T'es Bob Dylan, merde! T'as pas un peu d'instinct? Un peu de flair? D'intuition? Je croyais que toi et moi, on était des animaux. Tu comprends? Je t'ai envoyé mon livre parce que je sais qui tu es. Je sais que des gens t'écoutent et que toi aussi, tu sais les écouter. Justement. Justement quoi? Justement, je vais t'écouter me raconter ton histoire. Alors écoute-moi bien. Parce que je ne me répéterai pas. Il y a des types. Le 17 juin 1966... à 2h22 du matin, qui sont entrés au Lafayette Bar, à Patterson, dans le New Jersey. Et pour une raison que j'ignore, ils ont tiré sur le patron, qui s'appelle Jim Oliver, et Fred Cedar Grove Bob Noyox. Ces deux-là sont morts sur le coup. Ils ont aussi tiré sur une femme, Hazel Tanis, qui est décédée des suites de ses blessures. Et enfin, sur un autre type, Willie Marines, Celui qu'on m'a amené voir à l'hôpital avec Artis, il était dans un sale état. Il avait une balle dans la tête. Il ne voyait plus rien. Mais ces ordures de flics ont quand même voulu le faire témoigner, alors que le chirurgien était encore en train de le charcuter. On m'a arrêté sous prétexte que ma voiture était blanche et qu'un témoin a dit voir une voiture comme la mienne, démarrée avec deux nègres à l'intérieur. Cela fait-il de moi un criminel ? Non, ça fait de toi un suspect. C'est ça que tu ne parviens pas à comprendre. Ça fait de toi un suspect si tu es blanc. Mais si tu es noir, tu es coupable. Ça te va ou tu en veux plus ? À mon tour, je vais te dire une chose avant de te quitter. J'ai pas beaucoup de qualités, mais je sais que j'en ai au moins une qui m'a jamais fait défaut. Laquelle ? Je sais faire la différence entre celui qui ment et celui qui dit la vérité. Et alors ? Coup de feu retentissent hors du bar la nuit. Coup de feu retentissent hors du bar la nuit. Un pension, Patti Valentine, de l'étage supérieur. Et coup de feu retentissent hors du bar la nuit. En transit. Elle voit le barman dans une mare de sang. Elle voit le barman. Elle crie, mon Dieu, ils les ont tous tués. Ouais. Voici l'histoire de... Coup de feu retentissent hors du bar la nuit. Attention. Voici l'histoire de Rick Kane. Voici l'histoire de Rick Kane. Bob ! Bob, ouvre-moi ! Bob, la voiture t'attend en bas, là. Faut y aller. Pas maintenant. Bob, ouvre-moi. Dis au chauffeur qu'il m'attende à la réception. Qu'il boive un verre et qu'il le mette sur ma note. Lina, t'as un concert dans une heure, je te signale. Alors arrête ces enfantillages et ramène tes biches. Tout le monde t'attend pour décoller. Allez. Bordel de merde, faut que je te dise comment pour que tu m'écoutes, Don. Je suis en train d'écrire un truc, là. Une chanson. Là ? Ah oui, là. Je vois pas où est le problème. J'écris, c'est mon boulot, j'écris, c'est tout. À poil ? Bah oui, à poil. C'est qui, elle ? Je sais pas. J'en sais rien qui c'est. Elle m'est tombée dessus à la sortie de l'ascenseur, et puis... Bon, bref, la réveille pas avec ta grosse voix. Je voudrais finir ce que je suis en train de faire. Mais Bob, on va être à la bourre. Eh ben, c'est pas grave. Allez, laisse-moi, j'arrive bientôt, ok ? On t'attend en bas, alors. C'est ça. Pas des plombs bas. Promis. Hé, Dylan, ça va quand même ? Bah oui, pourquoi ça irait pas ? Non, rien. Je vérifie, c'est tout. Tout baigne. Ok. Et qu'est-ce que t'écris au juste ? Une chanson. Oui, merci, original. Pour Hurricane. Non, mais t'es sérieux ? T'es sérieux, là, Bob ? Bob, c'est pas de moment ! Tu m'entends ? Bob ? Ah oui. D'abord la genèse. Bob ! Tu plantes le décor. Comme un dramaturge, voilà. Faut que ça ressemble à un film. C'est ça, un film. Voici l'histoire d'Hurricane. Voici l'histoire d'Hurricane. L'homme que les autorités sont venues blâmer pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Voici l'histoire d'Hurricane. L'homme que les autorités sont venues blâmer pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ils l'ont mis dans une cellule de prison. Il aurait pu être le champion. Allô? Allô? Ronnie, baisse un peu les volumes, s'il te plaît. De Vito, j'écoute. Allô? Oui, donne De Vito l'appareil, j'écoute. Qui est-ce? Rubin Carter. Rubin Carter? Hurricane? Ah bon sang, bah alors ça, quel plaisir de t'entendre, champion. Richard Salomon m'a donné ce numéro. Il m'a dit que je pourrais joindre Bob à ce numéro. Oui, mais il a très bien fait, on est en studio en ce moment. On enregistre le nouvel album de Bob. Et je peux lui parler? Oui, quitte pas une minute. Bob, c'est Carter au téléphone. Il vient tout de suite. À bientôt, Hurricane. Oui, un de ces jours. Tiens. Allô ? Bob ? Robin, comment vas-tu ? T'as reçu le morceau ? Et comment que je l'ai reçu ? Et... Comment dire ? T'es OK ? Bien sûr que je suis OK, Bob. Ah, tu me rassures. Je savais pas comment t'allais l'accueillir, comment... Et c'est super, je suis content. Tu sais, vraiment content que ça te plaise. Beaucoup. Ça me plaît énormément. Que tu sois convaincu aussi. Je le suis, Bob. On va la sortir bientôt avec l'album. Ça va être comme une bombe, tu verras, ça va faire du bruit. Les gens vont réagir, la justice devra suivre. Tu verras, je suis sûr qu'on arrivera quelque part. Rubin ? Ouais. Ça va ? Ouais, ça va, Bob. Ça va. Je voulais simplement te dire que t'es un frère. Ok. C'est rare de rencontrer quelqu'un et puis de découvrir que c'est un frère. Je suis content que tu me dises ça parce que... Enfin, je veux dire que c'est réciproque. Voilà, c'est pareil en ce qui me concerne. Bon, on me fait signe que je dois raccrocher. Hey, Rubin ? Ouais, quoi ? J'ai parlé à Mohamed Ali et on s'est mis d'accord pour organiser quelque chose. Un soutien, je sais pas encore sous quelle forme, mais un concert, un show, quoi, pour mobiliser l'opinion publique et faire bouger les médias. Merci, Bob. Du fond du cœur. De rien. Je dois raccrocher maintenant. Ok. Tiens le coup. On est avec toi. À bientôt. On va avoir des emmerdements, Bob. Tu t'en rends compte ? Probablement. Non, pas probablement. C'est sûr et certain. Une pluie d'emmerdements. Je fais ce que ma conscience me dicte de faire, ni plus ni moins. C'est une vision erronée que tu as retranscrite dans ce morceau. On risque un procès en diffamation, c'est pas une plaisanterie, tu sais. Eh ben très bien, s'il doit y avoir un procès, il y en aura un et puis c'est tout. Mais je réécrirai pas les paroles de Ricky. Je modifierai pas une ligne, pas un mot, c'est clair ? Sans compter la presse. Laquelle ? La presse qui encourage le ségrégationnisme ? Laquelle d'abord, tu peux me le dire ? Écoute Bob, tu fais une chanson pour défendre un type, un noir qui plus est, qui est en taule parce qu'il est accusé d'avoir abattu 3 innocents. Ouais, et après ? Et tu ne fais même pas mention du passé judiciaire de Carter. Un passé... pour le moins chargé. C'est pas une thèse, hein, c'est une chanson. Non, c'est pas une chanson, justement. Ça ressemble davantage à un plaidoyer. Ouais, c'est ça. Et que fait-on dans un plaidoyer ? Ou plutôt, que ne doit pas faire un avocat dans un plaidoyer ? Mais merde, Bob. La presse et une partie de l'opinion s'interrogent, c'est normal. As-tu vraiment fait preuve d'objectivité en prenant fait et cause pour ton ami dans cette affaire ? Voilà ce que les journalistes se demandent. Tu peux l'entendre, ça ? J'entends. Et ? Et je m'en fous, Don. L'objectivité, je m'en balance. L'objectivité, je la laisse à qui veut la prendre. C'est pas pour moi. Et puis cette chanson, elle est écrite. Enregistrée, les gens l'adorent, l'écoutent, l'achètent. C'est une chanson engagée comme j'aimerais en écrire toujours. Maintenant, si tu le veux bien, je voudrais pouvoir me relaxer 5 minutes avant de monter sur scène. C'est un soir important pour Rubin. Moi, je le sais, c'est moi qui l'ai organisé, ce concert. Night of the Hurricane au Madison Square Garden de New York. La nuit de l'ouragan. C'est pas beau, ça ? Je suis pas fortiche pour trouver des titres vendeurs, peut-être. Ah, y a rien à dire. C'est toi le meilleur, Don. Bon, allez. Je vais accueillir Mohamed Ali, Stevie Wonder et les autres. Et on démarre par 20 minutes d'exposé sur le cas Carter et ensuite tu enchaînes avec Hurricane, ok ? Ouais, tout est ok, Don. Laisse-moi seul maintenant. À tout à l'heure. Je m'adresse à vous de la seule manière qui me soit offerte. J'ai essayé les tribunaux, épuisé mes ressources financières. Deux êtres que je chéris en alimentant bribe par bribe un mince espoir qui peut-être ne se réalisera jamais. Aujourd'hui, ma seule chance réside dans l'appel que je vous adresse en vous faisant part des torts qu'il reste à réparer, de l'injustice qui m'a été faite. Pour la première fois de mon existence, je déclare que j'ai besoin d'aide. Faute de quoi, il n'y aura plus de lendemain pour moi. Plus de liberté. Plus d'injustice. Plus de prison d'État. Plus de Rubin. Plus de Carter. Il n'y aura plus que Riken. Et au-delà de lui, rien. Merci pour tout, Bob. Merci pour ce que vous avez fait pour Rubin. Ne me remerciez pas parce que ça a foiré. Mais ça n'a pas foiré, Bob. Grâce à toi et au soutien que tu lui as apporté, avec toutes les autres personnalités, Rubin et Artis ont été mis sous liberté conditionnelle. C'est pas grâce à nous, mais parce qu'il y avait des vices de forme au procès de 67. Richard, vous êtes avocat. Vous savez très bien que c'est sur cette base que vous avez obtenu que la cour du New Jersey casse le jugement pour organiser un autre procès et qui a foiré. D'accord, c'est vrai. Mais sans votre action, on n'aurait rien obtenu. Croyez-moi, je fais ce métier depuis assez longtemps pour en connaître tous les rouages. Et maintenant ? Quoi ? Maintenant quoi ? Maintenant, Rubin a regagné sa cellule et il va falloir qu'il se reconstruise, qu'il parvienne à croire de nouveau en ses chances de... Foutaise, hein, c'est connerie. Connerie. Je vais vous dire, cette chanson, je la chanterai plus. Plus jamais. En écrivant cette chanson, je croyais venir en aide à un homme, mais c'est pas ce qui s'est passé. En écrivant cette chanson, je pensais dénoncer des choses. Je voulais parler de racisme, de discrimination, d'injustice sociale. Je me souviens en 65, peu après l'arrestation de Rubin, la guerre dans les ghettos, à Watts, à Cleveland, à San Francisco, à Chicago. Il n'y a rien qui a changé. Et cette chanson n'a servi à rien. Laissez passer la nuit, Bob. Et demain, vous verrez les choses autrement, j'en suis sûr. Mmh. On verra bien. Je descends là. Au revoir. Au revoir, Richard. Tiens, dis-moi une chose. Je t'écoute. Tu les connais. À quel sujet ? Quand tu disais que tu chanterais plus jamais Hurricane. Non. Je déconnais pas. Hurricane de Sharif Gattas, avec David Oury, Bob Dylan, Blade Alimbay, Rubin Carter, Yannick Chouara, Don DeVito, Tristan Cotin, David Salomon et Anne Paris. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Bastien Varigaud et Olivier Dupré. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Benjamin Habitant. Affaires sensibles, la fiction. France Inter. Un concert de félicitations et quelques couacs également après l'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan. La surprise a été totale hier à Stockholm. Côté applaudissements, il y a ceux de John Baez ce matin qui fit un petit bout de chemin avec lui et qui salue ce choix. C'est un pas de plus, écrit-elle, vers l'immortalité. L'écrivain Salman Rushdie également qui parle d'un super choix. Mais il y a aussi quelques notes dissonantes. Ainsi, l'écrivain écossais Irvin Welsh, l'auteur de Trainspotting, dénonce un prix décerné par des hippies séniles. Et en France, sur un autre mode, le critique littéraire Pierre Assouline ne comprend pas le choix des Nobel. Ça me consterne. Je précise tout de suite que j'aime beaucoup Bob Dylan, qui est un de mes chanteurs préférés, mais j'aime beaucoup aussi le prix Nobel de littérature, et je trouve que c'est le discréditer que de l'attribuer à un chanteur. Quand on lit sous la plume et dans la voix des membres de l'Académie suédoise que c'est le plus grand poète vivant, je pense que c'est vraiment un bras d'honneur adressé à la littérature américaine. Parce que si on attendait depuis des années la consécration d'un grand écrivain américain, ce qui est arrivé depuis Toni Morrison, à savoir Don DeLillo, Russell Banks, Cormac McCarthy, de trouver que Bob Dylan, il y a juste ses chroniques de mémoire avec les paroles de ses chansons, eh bien je trouve ça tout à fait accablant. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Hurricane, notre invité Nicolas Reynaud, auteur de deux livres sur Bob Dylan, Figure et Not Dark Yet, aux éditions Le Mot et le Reste. Bonjour Nicolas Reynaud. Bonjour. Alors, vous avez débuté en 2010 un cycle romanesque intitulé Le goût de l'inachevé et vous avez publié deux ouvrages aux éditions Le Mot et le Reste, Figure de Bob Dylan, paru en 2009, un essai qui croise l'œuvre du chanteur avec plusieurs thématiques, notamment celle du temps. Not Dark Yet, chanson de Bob Dylan, ouvrage de 500 pages, sorti lui en 2015 et réédité en 2016. Alors ça c'est un travail de fond qui répertorie l'ensemble de l'œuvre, chanson par chanson, de leur conception jusqu'à leur métamorphose sur scène, selon la bonne vieille méthode de ce qu'on appelle les lyrics. Vous êtes par ailleurs responsable plaidoyer chez Equipop, organisation non gouvernementale qui promeut les droits des femmes. Je tenais à le préciser au passage parce que c'est intéressant et qu'il y a, j'imagine, du pain sur la planche. On revient à Bob Dylan. Vous devez vous poser la même question que nous, alors on va vous la poser. Qui est Bob Dylan ? Beaucoup de choses ont été dites sur lui, tout et son contraire. Lui-même s'amusant presque à obscurcir volontairement cette mythologie créée autour de son nom. Bob Dylan serait-il le principal responsable de la supposée et présupposée désinformation autour de lui ? Alors, je ne sais pas s'il est responsable de l'information. C'est quelqu'un qui écrit et chante des chansons. Et qui a un comportement quand même qui nous invite à réfléchir sur ce qu'il est vraiment. Oui. Alors, je ne sais pas si ça nous invite à réfléchir ou si c'est nous ou les médias qui veulent y réfléchir. Après, je pense que Bob Dylan se réfugie derrière les chansons, mais c'est certainement faux. Enfin, c'est en tout cas la perception qu'on peut en avoir. Je pense qu'il a toujours dit que il ne vaut que par ses chansons, donc il est son œuvre, et après aller chercher la personnalité physique de, enfin, si vous voulez, Bob Dylan en tant qu'entité personnelle, ou Robert Zimmerman, si vous préférez, c'est un intérêt, mais je pense qu'il est bien moindre que d'aller voir quelle est la personnalité artistique, et dans ce sens-là, je crois pas qu'il mette un fossé volontairement, c'est juste il est ses chansons. Et ça, il l'a dit au moins une fois explicitement en 2015 quand il recevait un prix Music Cares. Il a dit je vous remercie d'offrir ce prix à mes chansons. Mais pas à moi. Et pas à moi. J'existe à travers mes chansons et à travers celles-là seulement. Oui, et un comportement déroutant parfois pour ses fans. Et ses fans sont déroutés, on peut pas dire le contraire. Oui, mais un fan de Bob Dylan qui est dérouté d'être dérouté n'est pas vraiment un fan de Bob Dylan. Ah d'accord, bon. Alors, vous écrivez dans votre livre Figure que Bob Dylan est l'interprète de moments qui nous transportent hors de l'inexorable logique du temps. Dylan est bien plus grand que le temps. Artiste, poète, chanteur, peintre, fils de charpentier, que sais-je encore. Mais le plus grand de tous les mondes vivants. Ça demande quand même quelques explications. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, alors, c'est peut-être discutable, mais déjà, j'ai écrit ça avant qu'il ait le prix Nobel de littérature. Donc, il est le premier musicien à avoir le prix Nobel de littérature, ce qui confirme qu'au moins il y a des gens dans le monde qui ont une perception assez lucide. Lucide, je sais pas, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais bon voilà, il a dépassé les genres, ça c'est sûr. Sa personnalité artistique est un carrefour incroyable de richesse. En fait, en écrivant le livre qui recense les plus de 700 chansons enregistrées par Dylan, publiées par Dylan, pas enregistrées, si on fait un index de tous les noms propres qui sont mentionnés, même avec 15 lignes par chanson. Je ne vais pas dire qu'on a toute la culture occidentale, mais on a un éventail complètement fou des poètes, acteurs, réalisateurs, écrivains, mais aussi personnalités politiques, sociales, à peu près à travers tous les âges, de la Grèce antique à Martin Luther King, en passant par Rimbaud et voilà. Et je pense qu'en tout cas, dans son milieu, qu'on peut dire rock, on va dire, voilà. Enfin, c'est une éponge beaucoup plus puissante que la plupart de ses homologues. Une éponge? Oui, c'est une éponge. Enfin, je pense que s'il a un talent, c'est le fait de... Enfin, certainement une vivacité incroyable pour absorber les œuvres qu'il voit, qu'il écoute. Et en plus de ça, à 20 ans, il avait une vivacité d'esprit incroyable pour transcender ses influences et tout ça. Mais là, il en a 77 et il continue à le faire. Donc c'est quand même pas pareil d'avoir une œuvre sur 7 ou 8 ans et une œuvre sur, on en est à 57. Et vous avez parlé du goût de l'inachevé, c'est par définition quelque chose d'inachevé. Vous savez qu'on peut avoir une œuvre qui nous dure 8 ans et s'inscrire comme la plus grande œuvre du siècle, hein, c'était le cas des Beatles. Depuis 88, donc ça fait 20 ans, Bob Dylan a entrepris un Never Ending Tour, c'est-à-dire une tournée perpétuelle. C'est assez incroyable comme idée, c'est mégalo, c'est une fidélité étonnante et totale à son métier de chanteur. Qu'est-ce que c'est selon vous? Alors selon moi, c'est pas du tout mégalo. Premièrement, la tournée sans fin, c'est pas lui qui l'a nommé comme ça, il s'en est même un peu moqué. C'est des trucs de com, mais bon, voilà, je trouve ça un très joli nom hein, d'ailleurs, mais ça veut dire que c'est pas associé à la sortie d'un album, contrairement à la plupart des chanteurs qui sortent un album, ils font une tournée pour le promouvoir et qui s'arrêtent. Lui, il est perpétuellement sur la route et au contraire, moi je pense que c'est un acte d'humilité fondamentale, déjà de se présenter devant le public aussi souvent et surtout il passe pas juste à Paris, à Londres et à Madrid. En France, il passe dans des villes de moyenne importance, mais c'est le cas dans tous les pays. Il visite un grand nombre de pays. L'autre jour, là, je regardais au hasard un pays européen. J'ai pris la Pologne par hasard pour voir s'il y était allé. Et ben oui, il y est allé. Il est allé en Slovénie. Il est allé en Autriche. Il va à peu près partout. Et je trouve ça assez. Je crois qu'il a présenté ça plusieurs fois comme son destin et que donc il met en œuvre son destin. Alors, Nicolas Renaud, je vais certainement vous irriter un peu, mais enfin, Bob Dylan sur scène, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, il arrive sur scène, il ne dit pas bonjour, il repart, il ne dit pas au revoir, il est extrêmement désagréable, il ne respecte pas son public, et en tant que public, c'est ce qu'on ressent quand on le voit, il massacre ses chansons, littéralement. À quoi elle sert, cette Never Ending Tour, si c'est pour faire ça? Parfois, on se dit, mais c'est pathétique, il nous a laissé des choses tellement merveilleuses, si c'est pour faire ça, pourquoi il continue? Alors, à quoi sert l'art en général? Je crois que c'est une vaste question. Moi, j'ai l'opinion inverse. Je pense qu'au contraire, ses chansons renaissent à chaque concert. C'est plus ou moins réussi. Mais ce que je sais, c'est que quand Dylan commence une chanson, il ne sait pas où elle va. Et donc, justement, il a l'humilité de recréer la chanson en live. Ce que ne font pas l'immense majorité de ses homologues qui se contentent de jouer leur chanson de manière un petit peu pépère, même si parfois ça peut être génial. Dylan, c'est de la musique vivante. Ça s'appelle Live and in Person, et vous avez Bob Dylan en personne et en vrai live. Ça lui apprendrait être sympa aussi quand même avec les gens, non? Moi, je pense que la qualité principale d'un musicien, c'est de jouer ses chansons honnêtement et de dire bonjour Paris ou bonjour Linz ou Munich, sachant qu'ils savent à peu près pas où ils sont. Ça n'a pas trop d'intérêt. Bon, c'est Bob Dylan qui arrive sur scène et c'est hi. Voilà. Bonjour, terminé. Il ne dit pas bonjour. Il dit même pas bonjour. Il dit merci. C'est déjà ça. Bon, on aime bien Dylan quand même, évidemment. On peut avoir un œil critique quand même, y compris sur ce qu'on aime. Nicolas Renaud, dans Figure de Bob Dylan, alors vous faites une comparaison et vous écrivez les Beatles, oui, parce que vous faites des comparaisons avec les Beatles, sont la référence puisqu'ils parviennent à constamment progresser vers un certain idéal qu'ils atteignent avec Sgt. Pepper's, le titre le White Album, ou Abbey Road, vous auriez pu ajouter Revolver, qui est une merveille de cette époque-là. Enfin bref, il reste que leur progression est linéaire aux Beatles, de comme ensuite la déchéance progressive des carrières solo, de la raréfaction des pépites lennoniennes, c'est vrai, et puis en plus, il était assassiné jeune, à l'épuisement de l'inspiration chez McCartney, ce qui est vrai également à la fin de la décennie 70, au début des années 80, Paul McCartney la perd, son inspiration. Il reste de trois belles choses, mais c'est plus lui. Bref, chez Dylan, au contraire, pas de logique temporelle, dites-vous. C'est ça la vraie différence avec les autres? Certainement. Le livre, le dictionnaire de chansons, n'est pas découpé par album. Enfin, il se centre sur les chansons et c'est pas. Alors, elles sont plus ou moins classées par album. Mais ce qui est important chez Dylan, c'est la chanson et pas l'album. Alors, c'est une force ou une faiblesse, comme vous voulez. Mais il y a des chansons qui ont été jouées 1500 ou 2000 fois sur scène. Alors, évidemment, les plus connues, mais il y a d'autres chansons moins connues qui ont peut-être été jouées 150 ou 200 fois. Donc, déjà, c'est une première différence avec les Beatles qui ont arrêté la scène très tôt. Et après. Au bout de 5 ans. Et après, j'aurais pu ajouter Revolver, j'aurais pu ajouter tous les albums des Beatles, évidemment, qui sont parfaits. Bien sûr. Alors, je sais pas s'il n'y a pas de logique temporelle, mais en tout cas, Dylan avait une inspiration suffisamment grande pour se régénérer. Et voilà, il a fait des grandes chansons dans les années 60, en 73, 75, 85, 97. Moi, je pense encore 2012. Et ça, c'est quand même assez rare. Il y a un ou deux albums majeurs qu'il sort à plus de 50 ans. Je pense que c'est très peu fréquent. C'est vrai. La protestante, dont il est le pape, reconnu comme tel, en tout cas, ça correspond aussi à un itinéraire aux États-Unis, parce qu'il est américain, des années 60 aux années 80. Alors ça, c'est fondateur de la légende de Dylan, 60 à 80. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 20 ans-là? Est-ce qu'il y a une période, plusieurs périodes chez Dylan? Alors on va continuer le parallèle avec les Beatles, où il y a deux périodes, hein, claire et nette, la période saine et la période studio, la période adolescente et la période dite sage. Est-ce que chez Bob Dylan, il y a ça, plusieurs périodes comme ça? Alors oui, mais pas lié à la procession. Il a toujours nié faire de la process-song. Après, des périodes chez Dylan, oui, même si c'est plus difficile de faire des cassures nettes, puisque les chansons reviennent et renaissent. Après, si on veut vraiment découper, je pense que c'est assez simple. Il y a 5 ans de carrière fulgurante. Il y a son accident de moto en 66, juste après Blonde on Blonde, qui l'immobilise plusieurs semaines à Woodstock. Et alors, il a souvent dit que avant ça, il écrivait inconsciemment et qu'ensuite, il a dû avoir un processus d'écriture conscient. D'ailleurs, il s'est pas mal débrouillé après. Mais voilà, si on veut une cassure, elle est là. Maintenant, on peut en trouver plein d'autres. Il y a sa période chrétienne. Il y a la période des années 80 où il n'est pas au top de sa forme musicale. Il y a une autre cassure dans les années 90 où il se régénère et il sort Time Out of Mind en 1997. Est-ce que le prix Nobel serait une cassure dans sa carrière? Franchement, je crois pas. Et puis voilà, peut-être qu'on peut dire depuis 20-25 ans, il est sur la dernière ligne droite, mais qui est longue. Et quand il électrifie sa musique au début des années 80, là il y a une polémique. Slow Train Coming, par exemple, c'est un très bel album qui est électrifié par rapport à la guitare acoustique, qui est vraiment l'instrument de la musique folk. Là, il y a une polémique à ce moment-là. Mais il est électrifié avant, il est électrifié en 65. Vrai. Effectivement, chacun de ses 6 ou 7 premiers albums est une cassure avec le précédent. Donc voilà. Oui, on a dit qu'il avait électrifié le folk. Ouais. Je pense qu'il a toujours fait du rock'n'roll avant, donc c'est lui, il l'a sûrement pas perçu comme ça, mais ça a fait scandale, on peut dire, à l'époque. Hurricane, alors on y vient, on va terminer par ça, puisque c'était quand même le cœur de notre histoire autour de Dylan, donc ce fameux disque issu d'une réflexion, d'une protestation contre un événement réel, donc ce boxeur condamné. Qu'est-ce que ça représente dans la carrière de Bob Dylan? Non seulement cette chanson, mais l'album qui va avec, parce que l'album est grand. Un album étrange, il vient juste après son meilleur album des années 70 qui s'appelle Blind on the Tracks. Mmh. Et donc cet album là s'appelle Desire, il sort en 76 et il a une tonalité gypsy. Et c'est un album plein de paradoxes, premièrement parce que Hurricane est une chanson sur un boxeur noir et à la tonalité hispanisante. Enfin ça marche très bien, mais on peut se demander d'où vient ce déséquilibre. Il aurait pu faire un blues ou un morceau de gospel ou je ne sais quoi. Et ce qui est très paradoxal sur cet album, c'est que donc il y a cette défense d'un boxeur noir injustement condamné. Et il y a une autre chanson qui s'appelle Joey, qui dure une dizaine de minutes, qui est une sorte de louange d'un mafioso new-yorkais. Et on se demande bien comment les deux chansons peuvent cohabiter sur un même album, en fait. Et ça dénote quoi, ça, de Bob Dylan, dans son caractère et son approche artistique? Je pense que ça dénote qu'il fait ce qu'il veut et qu'il dit ce qu'il veut au moment où il veut. Et il a souvent dit qu'il considérait Joey comme une balade homérique. Voilà, il a transposé une situation réelle pour en faire quelque chose d'épique. Sur Hurricane, je pense que la situation en elle-même est déjà relativement épique et donc c'est un peu plus premier degré, donc je trouve ça un peu moins bien. Mais ça reste une grande chanson. Bien sûr, et donc dans cet album Desire, où on trouve aussi Romance in Durango, et notamment une chanson comme Sarah, très belle, hein, Radiant Jewel and Mystical Wife. Sarah, c'est le prénom de son ex-femme, à l'époque. Et c'est peut-être la chanson, une des deux chansons où il est le plus autobiographique, puisqu'il masque pas le nom de sa femme, mais c'est une déclaration d'amour assez directe. Et surtout, c'est une chanson où il explique qu'il a écrit sa plus grande chanson, Satellite Lady of the Lowlands, pour elle. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. En tout cas, c'est son histoire officielle. Sarah. On a l'impression, à vous entendre, vous qui connaissez bien Bob Dylan, que Hurricane est presque un épiphénomène dans sa carrière. Vous dites, bon, c'est du premier degré, une chanson de protestation qui est adossée à un fait réel. Et le fait que ce soit premier degré, qui est peut-être moins de symbolisme, de poésie, semble moins vous toucher. Ça veut dire que, quelle place ça tient, alors, Hurricane? Un épiphénomène, sûrement, parce qu'il l'a pas rejoué sur scène après la tournée où il la joue. Mmh. Après, c'est une grande chanson, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus connue en proportion que ce qu'elle devrait être. En France, on pense Hurricane, Bob Dylan, Hurricane. Elle est très surreprésentée dans l'œuvre. Elle est surreprésentée? Oui, je pense. Mais ça n'empêche pas que ça soit une chanson formidable. Bon. Vous qui connaissez bien l'œuvre de Bob Dylan, c'est votre cœur balance vers quel disque, vers quelle période ou peut-être vers quelle chanson? À quel moment Dylan donne, selon vous, le meilleur de lui-même? Sur Blonde on Blonde en 1966, donc avec Satellite Lady of the Lowlands, qui est la chanson très très longue, hein. Très très longue, très belle et très longue, et très belle. Ouais. Voilà. Là, je pense qu'il devrait y avoir consensus sur le fait que c'est sa plus grande chanson. Il l'a jamais jouée sur scène, donc ça veut dire qu'elle a été enregistrée et elle reste dans son écrin et elle en sortira pas. Après, pour vos auditeurs et vos auditrices, je crois que je pourrais avoir qu'un mot d'encouragement pour écouter la période récente sur les 20-30 dernières années, parce que pour moi, il n'y a pas un Dylan jeune, un Dylan vieux, et le bon Dylan est le jeune et le vieux n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est la même personnalité artistique qui évolue. C'est comme si vous disiez, mais Picasso à partir de 1952, c'est plus le Picasso d'avant. Déjà, je trouve ça intéressant de voir quelle évolution il donne à son œuvre, parce qu'on a quand même la chance de le vivre en direct, donc il ne faut pas le rater. Dernière question, on a tous nos chansons préférées. Knocking on Heaven's Door, évidemment l'une des plus connues. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson? C'est quoi son histoire? Knocking on Heaven's Door, elle a été écrite pour la bande originale de Pat Garrett and Billy the Kid, qui est un western de Sam Peckinpah. Et donc c'est l'histoire de Pat et Billy sont deux amis, et Pat devient le shérif, Billy devient le hors-la-loi, et il revient à Pat de tuer Billy. D'accord. Et donc on se méprend souvent sur la chanson, on pense que c'est quelque chose de plutôt positif. Et au une métaphore pour le paradis, ouais, mais ça peut passer par les drogues. Je l'entends plutôt comme Pat qui se regarde dans le miroir et qui a tué son ami, qui sait que c'était son devoir mais qui en est quand même pas très fier et qui se dit je vais taper à la porte de l'éternité pendant bien longtemps parce qu'on m'y laissera pas rentrer. Mmh. Évidemment, la chanson est ambiguë, elle peut se bien comprendre. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le film, elle n'est pas utilisée à la fin, au moment où il le tue. Elle est utilisée au milieu, sur une autre scène. Et voilà. Bien, merci beaucoup Nicolas Reynaud. Je rappelle le titre de vos deux livres, donc Figure, de Bob Dylan, aux éditions Le Mot et Le Reste, et puis Not Dark Yet, chanson de Bob Dylan, si vous voulez tout savoir sur ce que voulait nous dire Bob Dylan. On arrive d'ailleurs, pardon, quand on dit il y a plusieurs interprétations, qu'on écrit des lyrics comme ça autour de chansons, on arrive à savoir exactement ce qu'il veut dire, ou c'est aussi votre interprétation personnelle parfois? Non, c'est, tout le temps. On n'arrive jamais à savoir ce qu'on veut dire exactement. Et je relisais le texte qu'il a enregistré pour la remise du prix Nobel. Il dit qu'une chanson ne veut pas forcément dire quelque chose. Il faut juste qu'elle sonne bien. Et donc que parfois il comprend pas ce que ça veut dire lui-même. Donc je pense que c'est un peu vain d'aller chercher. Bah, c'est rassurant en tout cas. Merci Nicolas. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Hurricane, une fiction écrite par Sharif Gattaz, réalisée par Benjamin Habitant et Almioro, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos et Basile Bocquer. Et se taire est aussi une figure de style à la radio. C'est même parfois un devoir lorsqu'il s'agit de laisser la parole au chef-d'œuvre. Hurricane, évidemment, nous avons parlé de cette chanson tout au long de l'émission. Nous allons l'écouter pendant 8 minutes sans aucune sorte d'interruption. Voilà. Bon été à tous. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver Affaires Sensibles tous les soirs à 20h en juillet et en août. Et nous nous retrouvons dans une configuration dite normale de rentrée en direct à 15h à partir du lundi 27 août. Bon été et donc à bientôt. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying near this petty. Just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just

but one time, he could have been the champion of the